21.7, observation, même. Il en faut des industriels, des agriculteurs, des commerçants, et même des militaires. Même si on n'apprend rien à fond, ça doit faire beaucoup de travail. Même les romans, ce n'est pas la vie. Ce n'est que de la fiction. Mais enfin, quand même, il y a une belle littérature latine. Aujourd'hui, même les curés disent la messe en français.